septième pont du c'était un sommeil lourd. Ses larmes ont disparu, ça le fait si soudain. Aucune crainte, aucun frisson ne trouble sa parole. Il a fermé ses grands yeux bleus simplement par pudeur. Destin a tracé sur sa peau une marque.